بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال المجاهد الأكبر شيخ الحاج عمر عليه رضا البر في الفصل الثاني عشر من كتاب النفس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وفي الخلاصة المرضية أيضا، اعلم أيها المريد نجاة نفسك أن أول ما يجب عليك قبل كل شيء طلب الشيخ يبصرك بعيوب نفسك إلى آخره. تي لم دون وقتان تي أفيرو nit ki obligation bi mu war sentir pour wara dem wut serigne bo xam da koy dimbali et cetera muna waqa wa fi al khulasat al mardiya batay aidan batay ci tere bobu yalam na nga xam ayyuhal murid yow talib bi comme niñ ko waxo ci langage soufi bu ñe murid moy talib ak de différenciation bint joxone ci detaay bi rasul alhamdullilah manam ayyuhal murid yo talib bi najat nafsika sal muccu bakkan anna moy ne li wer wor moy awwalu manjal welu li nga xamne yejji bi warna alayka ci yow qabla kulli shay'in lu jitu mbir mu dak qabla lu jitu kulli shay'in bepp mbir li la ñeuk war yow talib bi bo sentir re man nam na dem ci yalla bëgg na bok ci ñi nga xamantene kat yalla la tax mu bind len moy ñu diko jaamu fuñu tollu man lool bëgg na ko incarner sama jëf yépp sama dox yi sama wax yi sama dem sama dikk sama yëngatu sama tëdd sama xalaat sama lepp ci yalla lay aju nek talibé moy murid dafa namma dem ci yalla dafa nam yalla ci bopam bugul aduna bugul al-akhirah sax yalla la bëgg liko wara ñëk def moy bu féké dafa paré da nga bëgg sa bakkan muccu manam nga muccël sa bop sa roox nga sélal ko lu jitu lepp lepp lepp lepp li nga wara def moy talabu shaykhin sakku serigne yubu suruka bo xamné dana la wan bi ayo bi nafsika ci say ayibu bakkan parce que ñom ñoy tax bu rido bi dox sa digënté ak sa borom nef ñoy tax ba sa ruh parce que xam nga bakkan bi hijab la rek moy kiray bi dox bi tax nit ki du meuna yegg ci boromam moy kiray bi tax nit ki du sax man am accès xam nga nit ki day leg nga sentir ko ne man dama bëgg dem ci yalla dama bëgg jige yalla dama bëgg xoti maqamay dama bëgg manam voile bi deñ ba au moins moy dem sa borom mais gis na ni amna lu nek barrière sama digënté ak mom barrière bobu non du dara lu dul sama bakkan bi tax ba samay bakkari bop ñom ño fi nek sama ayib yi moy défaut yi ño fi nek ba tax mënuma percer mystère bi pour mëna nak jëmm ci loolu manam ubbeku prison bima nekké prison bima sama bakkan en prison pour mu génn ci manam tout simplement jakarlok li nga xamne moy magayu borom bi wala réalité des choses luñu wax fat du dara lu lool ce qui fait que boko toje bo toje rideau bob mur la bu deuguer nak bu nakare perse bu nakare toj mais ay marteau piqueur ngay wut yu bari di dor tut wa di toj nank bamu deñ bis buñu deñé rek nga jakarlok réalité mbiri mais loolu dafa loolu il faut serigne bi dimbali la ci pour ngay mu lay won nga am clairvoyance bu clair ci ni li mom moy sama ayib bakkan nit mën na am ayib ba paré du ko xam nit mën na am ayib ba paré du ko sax xam comme liñ waxon kérok ci duratul kharija bi kep ko xamantene yalla natto nako bakkar wala du ci lolou peut-être ci benen detail la ku yalla natto bakkar ku nek dafa fekk na dafa damul waccewul bopam torokluul ci kanam yalla totalement bis bu ko defé dotul soxlaati yalla diko natto ay bakkar dot ko soxlaati parce que mom lolu légui dafa naturel ci mom que ni tout temps day wacc bopam day torokluul ci kanam yalla tout temps dafa wacc bopam du ngand ngandlu du yegg bopam du japp ne mom grand quelqu'un la moma bi nga xamantene mom la nit ki commencé japp ne manam bu dolo deñe rek dolo soxlaati yalla diko natto bakkar o moma o mom jëg na ni jam la te jam lu muy tek moy lan moy ko xamne day torox lu ci kanam boromam moy jam bu ne diw jamu diw la moy koku day torox lu ci kanam day torox lu façon torox lu bi gëna soufé moy jam bi gëna kawé manam nit ki toroxlu dayok toroxlu moy jamm ak jamm nit ki bu deme ba dam bopam wacce bopam toutal bopam dayedil bopam dota soxlaati yalla diko natay bakkar natala ko ñu lay wax la servitude wa moy station spiritualisation voilà bis bu ko nit ki defé rek totalement té lool nit ki mën na fék né fogg né amna ko ték amuko ak yeneen ak yeneen ay yurul jeex nit mën na fogg né mi ngi def ngir yalla fék day ngistal nit mën na fogg né yalla rek tax fék yalla rek taxul amna intérêt bu ne ci ginnaw nit mën na fogg né yéene né nit ñepp limu yéene bopam fék du dëgg etc etc etc kon nak serigne bu lay won effectivement defo yoy ci sa bakkan ci sa bop wa yukhrijuka mulay genne antaati walif top nafsa ka sa bakkan wala rahilta bu fekonte ne mona wala bu fekonte ne rahilta wala donte rahilta da ngay laxas ila talabihi ci dem sakku ji serigne bobu fi aqsal amakin ci fa gën ja sori ci beureub yi wal biladi ak dëkk yi donte loolu ngay def loolu nga wara def même bu fekkete ne day jar nga dem ba Chine wala Indonésie wala Pakistan wala nga dem ba Chili wala nga dem ba fële ci kaw ci nord ba Australie wala fenen tamit Océanie fou meuna dem boudé lolu rek la lolu xamal ni moy la première chose bi nga wara def moy sax ko la dimbali ci lolu intaha fi la li nak lañu doye serigne bu la dul defal li jaruko tek ko na la amul lu benn jari ludul xana nga nek jamam a son service kesse wala ngay taroxlu ci kanamam te woro ko def lan lay jari budé munul la defal ni cheikhul murabbi nak motax ma wax serigne pour mu tarbiya la motax ma wax budé munul la defal ni lan la lay jariñ amun jari lan diwoy sama serigne rek mu yor tour bobu rek d'ailleurs motax kan mom ko don wax yakarna omar la mom ko don wax wala kenen gonama yow li ngay comprendre bo waxe serigne ak sénégalais li ñuy wax duñu ben ko nga xam lolu bo lan day waxtan ngeen meuna comprendre rant parce que yo sens bi ngui koy jox moy sens bi ko téré yi jox alors que sénégalais yi mom joxuñu ko sens bobu sens biñ ko jox rek moy ben relation dal la bu fi nek de voilà bo xamné voilà de xawmo ndoti en tout cas dal comme al wala ou dal la gëna ciégué moy relation lay doon bo xam tane de partenariat bu fi nek voilà japp voilà bo xamantene amul wala parfois sax c'est juste symbolique en fait ce n'est même pas quelque chose de réel parfois il y a aucun sens derrière c'est juste que diou sama serigne voilà ci mom la djebelu djexna il y a aucun sens derrière ko non wax ci cour bi passé mais li am deug tay suñu jamono mo jamono fa yaqou tellement que dañu banaliser moy voilà moy djebelu sama serigne voilà moy reuy la voilà mais dañ ko banaliser legui ak deug min mi dañ ko jox yalla ñu yalla sal yalla ñu yalla sal kon inta fi la wax di muné waqala waxna al-Ghazali ma al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah radiyallahu rahimahu yalna yeureum ko Allah bur yalla ta'ala aji kayju fil ihya ci terem bobu al-ihya muy ihya ulumuddin fi rub' al-muhlikati ci rub' moy quart bi ben ñentel bo xajé téré bi ñent xaj ben xaj bi nga xamné al-muhlikati day wax ci ñi ci alagata parce que Imam al-Ghazali rahmalahu ihya ulumuddin dako xajé la ñent xaj daf ko def ñenti tom tom bu nek tom bu ñëk bi ci al-ibadat lako def def yi nga xamné jaamu yalla ay kessela benen tom bi mu def ko ci al-muamalat moy def yi nga xamné acte socioculturel lañ benen tom bi mu def ko ci al-munjiyat wala ci al-muhlikat moy bi ci al-muhlikat moy yi taxal ko yo xamné day taxal ko benen tom bi mu def ko ci al-munjiyat yi taxa muccu après ginnaw gi biñu démé quelques années après ci le bindat tatimma bi manam li motali ihya parce que dafa am ay question parce que ihya wala modin ñu ko bindé parce que do ko bindu bindu bo xamantane daf ko def de telle sorte que xam xamu diiné presque daf ko ci résumé daf ni won daf ci parce que non la tuddu sax moy ihya dundalat dundal ulumuddin xam xamu diiné parce que dafa gisé ñeen ñi dañuy bindu téré ri ri ri lool yo xamné après dañ ci dajale yo xamné parfois di ci bo lool day laaj vraiment temps khotel et cetera ñen ñi gattal lool lañuy wax de tel sorte que tamit liñ ci ki duñ ci jarign wala mom nak mu bëgg dajale affaire yi ba paré teunku ba paré mu baña teunku lool mais mu yamamaay digg doomu ba paré nak presque li ci aju ci diiné ji ni nit ki soxla dal ci diiné yépp mi nekk ci biir en même temps rahimahullah radiyallahu anhu amin légi bimu défé lool motax al imam abul abbas al mursi radiyallahu anhu day wax né xéet bi musiba yi len dal bok na ci cause yi tax moy nénal biñu nénal téré bobu ihya ulumuddin sauf que ihya ulumuddin dafa am ay en fait légi bi ay question yu bari yo xamantene nit ñi dañ ko doon soulever après parce que dafa amone solo dafa def amna lu ko gaay di tudde Antoine voilà mais bu ki non bu bo defé ben site rek buzz xamul ñu jox buzz waaw ça fait le buzz voilà voilà dafa def buzz moy ñepp dañu yalla dafa def barké ci téré bi ñepp diko wut diko sét di ci lire donc ñu bind ay questions yu bari yoné ko ci téré bi machallah donc il a eu un grand succès quoi voilà un grand succès légui nak mom bindat téré mu bindat 5e tome bi pour répondre questions yoy léralat yi ci jara léral et cetera machallah motax buñ koy motax nga gis buñ koy ki 5 tome la buñ koy éditer bon en tout cas édition yu ndik bon légui amna yo xam tane en neul la mais bon 5e dina nek ci ginnaw quoi sauf que 5e bi boudé dañ ko ber dañ koy molalé ak awariful ma'arif bu as-sahru radi rahimahullah radiyallahu légi donc ihya ulumuddin dafa am ben problème tamit bu ci am moy hadith yi dafa beuré hadith yu da'if et cetera mais comme ke ci xam xam biñuy wax lu ci ëpp moy xam nga parce que téré la bo xamanténi tout de même ci fadail al-amal ak targhib wa tarhib ci yoy lay wax moy wax gëneelu jëf yi ak yu xirtal nit ñi ci lu baax ñuy leen di xirté ci ñuy baax yu bon donc plutôt hadith da'if yu bari manam du lor ci téré bi totalement mais yalla tagat na alhamdullilah borom xam xam bu mak nek hafiz moy al imam al hafiz al iraqi rahmalahu serigne al hafiz ibn hajar rahmalahu mu jël téré bi def tahrij bi tahrij hadith ci ba légui ni mool yu bëssi da nga gis bu ñu moolalé ihya dañuy moolalé en même temps tiri al iraq ibrahim allah ci bir man dañuy def ko dañ koy def comme ay note de bas de page dañuy def voilà pour hadith yi et cetera da di def ci souf né hadith bi diou genné nako ak diou werna wala werul et cetera lool al hafiz al iraqi moko def rahimahullah manam kon manam de toute façon kon légui lenn amatul danaka luñ ko luñ mëna wax ci téré bi voilà alhamdullilah téré bu mag la bu am barké légui nak ci benn parti tom bi nga xamanteni ci muhlikati la doon wax moy yi taxa alku imam al-ghazali rahmalahu anhu innal murid al wer wor moy talib bi yahtaju dafa ajo ila sheikhin ci serigne wa oustad ak oustad comme ñu ngi ah serigne ak oustad ben la nak ñoo bok li ñi tek yaqtadi bo xamne dana roy bi ci mom la mahalata lol meunta ñak fu nga am model pour roy ci mom li yadi bu ko defé mu koy gindi ila sawa jeme ci ila sawa jeme ci liyam manam ila sawa sabir manam jeme ko ci yoon bu yem bi bu jubbi fa inna li wer wor moy sabila din yoonu dine ghamidun dafa khut wa sabil ash-shaytan yunu shaytan kathiratun daño bari zahiratun ba pare feñ wa man kep ko xamna lam yakun nekut laho ñel ko sheikhun ab serign yah di bu koy gindi qadawo danako wo mar ash-shaytan shaytan la mahala lolu munte ñak ila tariqi jëm ko ci yonam mum parce que yonu diine dafa xoot ba pare dafa beure ay affaire yo xamne demé dafa beure ay yu equivoque ambiguïté yu ay confusion yo xamne nit mën nako def su xaméwul mais sinon mom ci jëm bopam lérna par dafa xoot surtout boudé da nga bëgg yegg ci yalla yoon bi ngay jaar xoti maqama ak yoy parfois dafa jafé lo tax li tax ñu bëré ci nit ñi amuñu yegg ñu ci yenn maqama liko waral lool moy dañ dul xamé yenn affaire yu ndaw ndawani subtilité yi duñ ko xamé lool nak da ngay soxlo gulo ci dimbali té sheytaane yoonam yi dañoo bari ay cyallale ay tiar yu bari lañ benn yoon rek mo djub mais yenen yoon yépp tiar ba paré sheytaane limu def moy bép yoon bo bép buntu bo xamé manam ci biir yoonu djub bi fenn fu ci nek mom raccordé na fa ab yoonam manam côté manam niveau bu né mom amna benn yoon bu mu raccordé pour djewel ci lim bëgg manam dina bu nek ko benn type principal voilà à chaque fois mon ben sorti bu nek mom voilà branche le tube mom tamit voilà mom voilà c'est ça ça dit que kon lol la voilà comme autoroute bo gisse autoroute ngay gis sorti niñu baré han nga xamanté rek nangami kilomètre wala nangami mètre yina amna sorti cheytaane non la def ci yoonu yalla bi yoonu diiné bi nga xamné pour yegg ci yalla la fo meuna yegg ak quelque soit la situation cheytaane amna solution adaptée bu mu adapté wu par rapport ak situation bobu pour meuna la gal encore pour meuna la xëc duggal la ci yoonam fo meuna toll cheytaane amna lool motax dula meuna dula bax walik bu né ba am fatxu nak wa so demé xana déggulo même fatxu sax taxul téréwul taxul nga muccu hatta bi nga gis yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam bo wa nak wolu nga ci yakku ba fara tamul kenn mo am garantie moy qutb mom dal mom mo am garantie ak kumu garantie mom ak mom kumu garantie jeexna ah sino riki liñ nane riki jek rek nangul li nga yoru lepp ba do deseti dara lolou kenn muccu ci lolou tax arif yu magi di ragal yalla fuñu tollu mo la suñu baaw ko doon wax dara ci khutba ba wa nan a ni nga xamantene arif yu ne moy ni nga xamantene buñu tege buñu toge ci no ci nen du tek ndax tit wonum borom maqawi ka ñoo raw fop ndor rabini ci daago ci dekk yi fop lan la ndax en fait fa wa la ñëw gëna tit ñoon dakk tit ñoom fuñ tollu ñi ngi tit du tax ñu tit parce que xam nañ ni dañu xam ni katanu yalla tollu té xamné heure bu nek bu ko nexé mu sétan leen ak sheytaan té sheytaan borom expérience la té sheytaan nit ku jall rek amna ci yow expérience ce qui fait que pour génération yi di ñew mu xam na mi def ak ñoo ben solution nga am moy wëru ci ginnaw yalla c'est la seule solution laq ci ginnaw yalla mais il faut nga wut ko la dimbali pour lolu nek lu leer lo xamantene dana tax ba sheytane du la meuna fukk du meuna fukk do nek tamit ci boori de telle sorte que da ngay jégué trop sortie bi pour mu meun lay lonku di xëc yiyep dafa motax serigne bi nek lu ragna wi lay dimbal mom lay wax motax fa man kep ko xamne salak da nga sobu al bawadi alya al mulikat yi nga xamantene luy alagaté dañ fa bari bi nafsihi ci bak ci bopam kesse min ghayr khafirin te kenn gindiwuko amul kenn ku koy won nan ko yon waangi faqad deug deug khatara khatara moy indina ab danger bi nafsihi ci bopam wa ahlaka hatta alak nako tay buñ tol buñ xolon ñu ne ah nga jekki jekki ne dama bëgg dem dekk sangam dem ci benen dekk manam juggé dekk sangam ak ci benen dekk té lool muy all bo xamantene fo foré la bo xamantene all la bu bari garap amul ay yoon yu ñu tra wala buñ ko amé dañoo bari bari way bo xamné xamoni ban mo ci dem par fan bo dem ci Allah bo tukki ci Allah dang koy gis da ngay jek jek dem ba fo xamné da nga gis yoon ni dañuy xajal ko leg yo xamo fan ga fan la legi bo bari Allah bi bari ay gaynde ay bukki ay til ay jaan et cetera ay seng ñu yeb bari fa ay loy loy moy ibu voilà ay ñeneen ak ñeneen yow nga bëgg dem te xamu yoon bi ben wuto ko lu dimbali wuto ko lako wan ko xamantene mom xamna yoon yi bu baax et cetera te xamna nan lay def bu éviter gayne yi fan la gayne yi fete mom xamna ko xamna fan la tilli di nekké xamna tamit coin bi ñi ne xamna fan la bukki di ne et cetera lu xamna fa muy ne de telle sorte que mom yépp mën na esquiver yoon yépp manam mën na moytu ndiko yépp ba mëna waaf mbolem danger yi mën na leena waaf ba jall ba yegg xamna lepp te yag nako def sax dayer yag na sax and ak ay nit di len yobbu bo andul ak ku mel non moy yow ba fara nga bëgg fa jaar heure goudi par exemple amul leer jant bi neew fi deful dara ngay lay dañ lay jox lool moy bukki dañ lay réré lu leug koku mën ta ñak yow ya yow en fait yow ya garal sa bop danger lool mom moy ci aduna ni yoonu yalla tam non la mel par rapport ak sheytaane yi danger yi nek ci yoon bi et cetera motax lo ci gis da ngay gis ñaata nit ngay gis début bi ñu correct baax et cetera yiw lool doko deg do wala nga koy sét gis lu bari ñu dem ko tout un an wala quelques mois nga gis ko mu nek ci yeneen yu doy wax wala bo mi ngi ci ki mais problème bi moy ni mu jappé diiné ci ak ni mu japp né loolu moy lu bax ndegata loolu lu bax nga gis ko dootul mëna waxtaan ak kenn dootul déggo kenn jikko ju rafet ji mu amone nga gis mu deñ jaamu yalla yi et cetera peut-être nim koy défé dootul nonou té mom japp na non la ak yenen ak yenen yoy yep lan moko waral soit amulo guide wala guide ba nga yor baxul ñaar yoy la dou l'importance wala nécessité wu sax nga xol tamit kan moy nek ce guide aussi mu baña nek loy foratu muna waya kunu kon dana nek al mustaqil la ki nga xamantena dafa doylo wit bi nafsi ci bopam moy ku indépendant ka shajarat kem garab alati bi nga xamne tambutu mom moy sax bi nafsi ha ci bopam moy saxal bopam fa innaha li yor wor mom moy tajufu dana waw ala al qurti ci wetu ci bir all bi ci wetu yenen garab yi ci seun bi garab gi nga xam dafa nek ci seun bi garab gi nga xamantene dafa nek ci all bi nonu rek ci ñax bi saxal bopam mom day gawa de parce que yenen ñax yi ñokoy concurrence nek ay parasitum yaq ko wa in baqiyat don bu fekenteene nak desna muddatan ak dir wa awraqat ba pare mu am ay xop lam tasmur du meñ lol tam benn possibilité la moy garab gi résister na par rapport ak parasite yenen ñax yi ak yoy wa yoy yeb résister na ba mag ba am ay xop waye du am meñni fruit deng lool mom moy comme seri comme talibé nit ku bëgg dem ci yalla bu jappé ni man dal sa bop doyna ma jarul kenn di wut soxlawuma kenn benn serigne soxlawuma ki man gëmuma ay affaire serigne wa d'accord gëmuko c'est bien mais yow ak garab gi yene yow ak garab gi yene da ngay premièrement moy aduna bi li fi nek ci li meuna galankor nit ba du dem ci yalla dafa bari te lolou ñepp tek nañ ci seen bal li fi nek ba dila galankor dañu bari legui donc lolou ben affaire la legui yow même bo résister nga def na jambar nga résister nga ba lolou yépp après yow garab gi meñul yene yépp manam résultat yi nga xamne mom lañ doon xaar ci yow ci ku résister doko am denga muna fa mo tassu mu wëru way manam ngoy way al murid talib bi sheikhu moy serignum moy limuy ngoy deug di ci deugerlo fal yastamsik nangoy bi ci serignum tamassuk ngoy ak al a'ma silma khabi ala shat al bahri ci geejga ha manam bil qa'id ci ki nga xamne mo koy womat buñu nekk ci diggi geejgu wala ci tefes gi nga xamantene geej jangi commencé sambara di mer ki koy womat nim koy teye pour mu baña la nako non silma khabi def non la nit ki wara def par rapport ak serigne ha wa ci dug geej gi kay buñu nekké fof wa bi haythu ci anam go xamanteni yu fawidu day joyal amrohum birami ilay jëm ci serigne ba bil kulliyati ci lepp day jël serigne bi jox ko leppum joyal ko ha wala yu khalifu te du wute qawluhu ay waxam fi werdin ci lo xamne rodna wala sadrin wala boy lu tukke ci mom wala yubqi te du dess du bayyi fi mutaba'atihi ci top gi ngoy top shay an dara wala yazaru te du deñal du bayil wala yubqi moy du dessal ci top gi ngoy top dara wala yazaru te du bayyi tamit dara wal ya'lam tan khamna anna naf'ahu ne njariñam fi khata'i shaykhi ci njumte serignam law akhta'a su njumun budon serign bi dañu japp ne sax dafa njum njariñ gi nek ci njumte serign gi aktharu mo upp min naf'ihi ci njariñam mom fi sawabi nafsihi ci li djub limu djubal mom ci bakanam wala ci bopam law asaba budon limu def djubna dañ wax bu jappé ni sérigne bi sax tay dafa djoum ndax xamné njariñ gi sérigne bi manam njariñ gi né ci njumté gi sérigne gi djoum mo upp doolé mom bu doon tay mo am deug mu han njariñ tamu ci yam intaha fi la yam do fait que sérigne bi nek ci erreur mo koy uppal njariñ ko mom tay sax bu dékonté ko mom mu nek ci deug voilà ha tabi sa serigne lepp lum la wax rek ah motax tamit du n'importe ci ngay def serigne serigne du n'importe quoi hein c'est pas voilà c'est un mot très lourd de sens extrêmement lourd de sens ah motax xolal tay par exemple motax ci tariqa bi bokk na ci condition yi ñu gëna insister moy serigne bi muy cheikh na tidiane da daan nga jappé ko nga am pass pass bu deugër ci mom ci serigne nga nek mom kessé mu nek su serigne ci anam go xamantene tamit tay do ko di nga ci ben anam nak du ci bir du ci biti comme tay mu wax nga japp na lim wax xeyna du non wala mu def nga japp na yow li ngay def mo gën limuy def d'ailleurs motax fofu la par exemple ak yenen yu bari ay pratique yu bari ay affaire yu bari day feñ fofu tay buma ne mom la la waxor kéro nga fatali manam tay serigne mu ne tay buñ ne cheikh tidiane radiyallahu anhu ci jaamu yalla gu maggu wu melni julli ni la doon def wala ni lay julle yow nga japp ne yow ni ngay julle mo geun mom nim doon julle xamal ni tarbiya bi dagna lolou mo amu ben wel serigne yep la nak serigne bo japp ne yow ni ngay def mo geun mom limuy def xamal ni sa tarbiya bi dagna sen digeunte jarigna tuba dara même bo fa nek nan ko yow serigne bi deugulo motax mais est ce que mo nga toob ñewat wa mais ci condition yi ñi toubé ci serigne bu ne ak ci tariqa bu ne ci tariqa bi da ngay fokk nga jëlat werd wa wala ci yenen yu bari lool dama joxe exemple bobu rek motax wax joj nan alhadji malik cheikh hadji malik radan da wax nan cheikh ibn ahmed tijana dal moy suma serigne mais sumay roy yenen ci bilay roy sallallahu alayhi wasallam su fekente na saxna moy dane moy limi tek moy day roy yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam diko jaar ci cheikh ahmed tijana radan parce que sik nekul ci ne beur na ci ay masala yo xamne te bokku na ci tire bi mujjé bi nu moy kifayatu raqibin parce que ñaar tire ifhamu munkarul jani ak kifayatu raqibin la mujjé bi nu bim ci bindu amna masala yo xamne dañ masala bi kay wuti nañ ci nangam ñi neene mais man tan na bi rawat na la daf fek na talib day roy serignum te suñ serigne cheikh tidiane da dal ni la daf ya pas plus clair que ça kon xam nga tekki wul ne tekki wul abadan ci ne cheikh tidiane da dal day xalaat ni man ma xalaat la ren tekki wul lool bu fekente ne wax joju deug le ne moko wax lolou tamit ñu préciser ko c'est ça parce que isnad bi ñun ay wolof lañ lu yalla xam doy la bu dé deug la voilà nono mënuma gëm né diw sëriñ la bo xamanténe bu maqama yu kaw yi romb na leen et cetera bama def ko sama sëriñ ba para muy gëm né man mako gëna xam jaamu yalla yi gëna simple lool mu yoonul mana effectivement ça n'a pas de sens ça tient pas la route quoi voilà motax cheikh tidiane dara ci tariqa bi xolal ci teeri dinañ ci yexi da ngay gis al qudwat luñ koy tuddé royu ka bi l'exemple voilà le modèle encore mieux le modèle ki wo matar al qudwat donc yépp yu bata baye xel ñu bañ di japp né lool du l'intérêt jang diiné nak ci anam yépp gis nga cheikh omar dal ni mi insister ci affaire yi effectivement même ci chapitre bi ñu wéssu rek da ngay gis muy insister ci ñu jang mazhab yépp té lolu bu bañ def jang chapitre bi beleg la ci vraiment rendre compte de utilité bu importance bi am nga xam yeneen mazhab yi lan lañu wax ak seen wax fan lañ ko tek nga xam vraiment té lolu c'est très très important day tax nit bu défé dara yow do taxaw di wax voilà day tax nga xam lool nga xam ni ñoom ñepp ci liñ nekké non la sauf que nak ki mom moy sama sëriñ man mom lay roy tout simplement sëriñ ma il faut mu nekk sa ki ngay sukkandiko ci lepp lool la wax wax wax la jo xamantene waawul tasawuf yeb dañ koy wax ak ñu dul ahlut tasawuf mais surtout buñ waxe ahlut tasawuf motax ñuy wax ci fini xol imam al-ghazali rahimahullah imam al-ghazali lan la siwe dafa siwe comme étant faqih borom xam fiqh ak usuli bo xam nga usulu fiqh ci mazhab shafi'i rahimahullah alayhi reference la ci d'ailleurs mo nekkon mu jaddit ki bessalat diine ji ci 6e siècle bob siècle bimu dund wala 5e siècle plutôt rahmahullah rahmatan wasa and ak ne mutakallim la wa ilmul kalam aqida ak yi ci aju and ak ne manam nonu la mané won philosophie aussi parce que bon ilmul kalam boko bo ci aye torop di nga aye philosophie également and ak ne nonu la mané won tamit tasawuf mom moy référence Shafi'i rahmatullah alayhi manam ci jamono mais wax ji mu wax te xol ci jamono yu ñëk yeul ak ñeneen ak ñeneen ñepp ñoko wax c'est-à-dire que de génération en génération tout le monde li lañ wax le talibé dafa wara gëm sëriñum fonk ko ki ko deugër ci mom bokku na ci charte talibé moy mu gëm ne sëriñum mo gëna kawé ñëpp mais nak loolu avant mu koy japp lay doon pa ginnaw bi mu ko jappé de nga wax di manam dafa wara xol ba gis ki gëna kawé ñëpp mu doga jël koku dem def ko serignou de sa fait d'autres gestoti ginnaw parce que moment bi ngay tok nan parce que serigni daño donu ci yalla ben jikko ben melo moy yalla dafa fiir bo beugul ko bokale serigne tamit beugul ko bokale yalla inna allah la yaghfiru an yushraka bihi yalla du balé du djéggelé ñukoy bokalé sérigne tam du djéggelé ñukoy bokalé bo gëné bëgg kenen ni nga ko sé sérigne bi gëdd na wala bo len yamalé ci bëgg sérigne bi bayina la yow ya ko jaay jaay japp ni rek ni mom banala dañ na ci yow bu yag waaw lolou motax bala ngay dem ci mom da nga wara assurer wu ni mo fi gëna mag ci sey beut wa parce que dafa am lo xamantene mënoko tricher mën nga tricher ci biti ak di jéma forcer sa bop bëgg gu ci bir mais réalité bi molay ñatt neexul ba neexul waye diw dal man gisulumako fi morom diwoy suba serigne waye diw mais wax deug yalla gisulumako fi morom lolu neexul ba neexul mais lolu am effectivement sa xol dina am ci kumuy jéng sa xol mo koy def parce que réalité lay doon réalité lay doon lolou moy indi motax du nonou ngay comme ni gaay di def wolof ni ñu gaawé ñew rek di doy sama serigne ci deuret motax bo démé ba gis né ki mo gëna mag sax li gën moy nga né ah xaaruma dem légui jugé na ci ki dem na ci ki transfert waaw aw moy est ce nga xamné ah diw dé mo gëna mag mais sauf que par exemple ki nekk lu sama serigne mi ngi yobu xamna ni lima bëgg yépp ki man nako té mi ngi koy def té ma ngi gis résultat bi lima bëgg yépp ki man nako mi ngi koy def ma ngi gis résultat bi légui kon man xolatuma kenen lool xam nga day daal yomb mais bo gisul résultat bi da ngay nekk ci doute fo tollu et cetera yalla nañu yalla sam deng kon inta fa la wax jam wa qala waxna abu najm as-sahr radi rahimahullah fi kitabi ci terem bi tudde adabul muridina teggilu talibi ñu namba dem ci yalla mune awwalu gis nga lam gi rotna awwalu manjal belu li nga xamne yalzamu dana war dana takok al murid talib ba'da ginnaw al intibahu yewu gimi yew min al ghaflat ci yegeuti negligence gimu nekke bu ci yewo ni man dama negligent won par rapport sa boromam likoy njek war an yaqsuda mom moy mu jublu ila shaykhin jëm ci serigne min ahli zamanihi ci ñooñu jamonom ñimu bokal jamono mu taminun ko xamne kuñu wolu la ala dinihi ci dinem ma'rufun kuñu xamela bis salah ci selte wal amanati ak kolute mi serigne go xamantene mbolam tata ji tuddu nañ ko ci mom non c'est vrai wala wax non mais c'est vrai yow gis nga ci mom ay mbir yo xamantene sédé nga ko yow ya ko jakarlo kenn netali wul ko ya ko gis wala nga deg ko mu wax lo xamantene yow kenn netali wul ko ya ko deg mu leer na ne dafa contradictoire ak diine ji ak ciel koku nan la nit ku xellu di demé nan kokoy serigne ku xellu c'est parce que yalla taxuko djuk comme yalla taxuko djuk tamit yalla baye koko parce que ku yalla taxu djuk day wut ku mat ku ko mat manam lolou motax mune il faut manam kon serigne lay doon bo xamné kuñu mëna wolu ci diinam la kuñu xamé ci selati ak koluté arifun ko xamné aji xam la bi tariq ci yoonu nitu yalla yi bu ko defé nak fa yaslumu mu jébal nafsuho bakkanam bopam li xidmat yi ngir diko ligéyal ligéel bi waxon nañ lan lay tek sopu ki ak top ki ci yoonu yalla ak jappalante ngir yalla lol moy ligéyal ligéyal teki wul di dem ci tol ya dele teki wul lol de jappalante bi rek ngir yalla lol moy lay tek ak di diko deugmal jox ko worma bi mat yoy lol lay tek ak geudum tek ko pas ko wala wa ya tamit bu ko defé muy sukkandiko ci ta hein tark bayyi mukhalafatuho di wutek mom serigne bobu manam mu fexé fexé ba bayyi wutek serigne bi wa yakunu te mu nek asduku deggu xalaho nek xalam asduku zinatul murid comme niñuy wax asduku zinatul murid deggu moy taru taru bi première chose amna chapitre bo xamne ci lolou la koy def inshallah première chose bi talibé wara am moy deug sincérité digënté mak sëriñ bi dom ko gëm gu wor moy da koy gëm ba ci tak deug ci suma top nak yalzamu mu manam warna al cheikh ci sëriñ bi an ya'rifo ci mu xamal ko an ya'rifo ci mu xamal ko kayfiyati ruju'i ana nakalay dello ila sayyidihi jëm ci sangam muy boromum legi nak sëriñ bi rek day da di war ci ko bu gisee talibé bu mel non bu ko gisee da koy xam ndax day gis xol bi ni muy xalat ak ni muy wax ak ni talibé bi deggo legi nak sëriñ bi da koy da di war xamal nan lay dello ci boromum waya dulu bu ko defé mu tekkal ko ala tariq ci yoon yal ci yoon nit ci yooni wayus sahilu te mu yombal alay ci mom sulukahu ak sulukaha ak sobu wayam manam ni muy sobo itinéraire bi mi jël yoon bu day jaar ci yoon ni yoon ni pour yegg ci yalla mu yombalal ko won ko yoon bi tekkal ko lu ko ko yombalal wayukraw sibnañu lil murid ñel talibé bi mu faraqata muy takaliko ustaz o serignum ustaz bi qabla lu jitu infitah ubbeku ka ayna qalbi fi batu xolam lata muy am fatho bu mu takaliko serign bi manam na japp tout temps ne mi ngeek serign bi même bu tay bu nekké fi serign bi nek fenen na japp ne serign bi jugewu fi waaw bu don da dan xey diko setti ñu fenn tout temps na japp lu serigne ba nga fa bu xeye na dem tok tok fofa imagine serigne bi tukki mu xey fi garab gi tatu garab gi la ko dan fek bu xeye na dem ci tatu garab ga taxaw japp lu serigne bi lu ko wara jox mu ko ko jox waaw na xamne serigne bi du takaliko ak mom dedet serigne bi du takaliko ak mom mu tew ak mu sor mu jige serigne bi la wax da waxuma ki ñi naan serigne bi moko te ki ñi naan serigne bi cheikh mourabbi waaw serigne bi ci bopum la wax pa ki ñi wax serigne bi pa ki ñi koy wowe mais kiko doon parce que ñaar dafa am amna ño xamantene ñom serigne lañ même buñ leen dul wax serigne bi même bu dé seen tour lañu jaar am ño xamantene ay ta manam ay manam duñu sax duñu serigne même buñ leen day wax serigne même bu dé ñepp serigne diiw lañuy wax mais duñ serigne ball fi nek alayhi warna ci kaw talibé bi an yasbira ci muy muñ taxta amrihi ci ronum digelu serigne bi wonahi ak teram lu serigne bi digle mu def lu mu teram baye te muñ lola fi khidmatihi ci ligel bi mi ligel serigne intaha fil wa nakhalat takhalna al qushayri rahimahullah imam al qushayri rahimahullah dafa wax ne dafa tokhal rahimo yalla yeeram ko allah buri taala aji kawja an sheikhi ci serignum abu ali ad-daqaq rahimo yalla yeeram ko allah buri taala aji kawja annahu qala ne mom wax ne ash-shajaratu garab gi idha ambatat bu fekete ne saxna bi nafsiha ci bopam min ghayri gharisin ci lu amul ko xamne moko jembat fa innaha li wer bor mo tawarraqu dana am ay xop wala tusmiru waye du am meñef wa moy liñu waxon sank rek kadhalika niki non al murid talib bi tam non la mel idha lam yakun bu nem nekul bu nekul lo ñal ko ustaz ustaz ya khudhu bo xamantene dana japp sa an sunnata tariqihi yonuk manam mbir yonam dal nafasan nafasan ci bakkan ak bakkan manam japp ko ci bakkanam diko top diko yikiti manam ci ay noy noy bu nek nafasan nafasan ci noy bu nek mu diko orienter bu amul lol fo wo na xamne koko abidu aj jamu hawahu banexam lay don day jamu banexam lol day dal ñu bare bare bare bare dañu am passion ci ben affaire comme tay par exemple ñu passioné wu ci julli di julli di julli di julli di julli mais fi nga xamé ni seen banex lañu jamu moy bu benen xéetu jamu yalla taxawé nga gis ñu tayel né duñ ko def parce qu'ils n'ont pas envie war par exemple waaw wa par exemple wala saraxé mën nañ voilà par exemple mën nañ xirkel am passion par exemple ci jang ben affaire ben domaine xam xam mais yenen domaine yi buñ ci am passion dañ ci néna ça veut dire que ñom sen passion lañuy jaamu du xam xam parce que yalla mo diglé ñu ci xam xam ak yow du loolu lañ bëgg mais passion bi lañ bëgg manam passion manam li mo leen neex rek lool la comme niko ñeneen ñi di def yéfiri di am passion ci ben affaire di ci ray sen bop jeexna amen lolu leg leg tamit mën nañ am passion ci yenn affaire yi lu dama nekké sa ko xam xam bek yoy mais bu heureu dimbali nit joté comme lolu sen passion jëmu ci duñ ko def wala heureu jappalante ngir yalla duñ ko def ndax sen passion jëmu ci et cetera topal lolu kenn ku ci nek lolu ñun ñepp ku ne xam na ci dara xam na ne amna du sa xol di gëna jeng di jëm lo xamne naturellement yow da ngay bëgg lool même bu dé lu bax la mais amna yenen yu bax yu nekk ci wérgi parfois yu ko gën yo xamantene ñoo gëna ñoo ko gën ba paré gën ko yop ba paré sa passion jëmu ci bo amé sëriñ nak mom dalay daal di mën di orienter ci del def li del bay li del ki li nekk ci li et cetera deng mota day kon mom day jamu rek bakkanam wala yan ji di teddu dac nafadan manam rucc lu mu fumuy rucc buntu bu muy jaar ko rucc port de sortie du ko am imam al-qushayri rahimahullah bim sol bim tokhale li ci serignam qala wa as-sahru radi rahimahullah mun wa huwa kama qala te nimu ko waxe ni la amé illa lulul annahu annaha nakat garab gi la tasmuru du sax way ya juzu dana dagan annaha ne garab gi mom kat tasmuru dana sax kal ashjari kem garab allati yi nga xamantene fil jibali ñi ngi ci dox yi wal awdiyati ak yenn gox goxan ci all bi walakin manam buñ ne garab ga du sax bu meññe bu garab bu kiwe du sax as-sahru radi rahimahu allah dane et pourtant possible na garab go xamantene mo maggal bopum ci all bi ak ci doji kenn jëmbatuko mo sax am meñe possible na non possible muna walakin way la yakunu du nek li fatihataha ñeel poetif yi moy fruit yi mi genné ta'mu cakka gi nek ci fatihatul basatin poetif toli wal khars ak yeñu jëmbat par contre ñaari buuy duñ doon ben waaw bi moy gëna ci crème moy nasakh mo gëna neex parce que dañ ko tofato par contre gouy duñ doon ben wa parfois sax tamit tay bi duñ doon ben tay da ngay gis mango bu saxal bopom ak mango bu ñu sax da ngay gis bu ñu maggé ba parfois sax mu am dom ñoom yëpp ñu am dom da ngay gis né non seulement tax ko doon ben mais tayu mango bi du doon ben ni ñuy toll tayu et cetera top lool ci orange top ko ci leneen ak leneen exemple du pétanal ñu joxe voilà wa wa iza nuqila buñu toxale buñ ko toxale mom garab gogou nga xamantene mom mo nekkon ci all ba non rek saxal bopam min mawdhi'in jeelugo ci beurep yakunu dana nek aksaru di lu upp wa ahsanu ba pare gëna rafet samaratan ak meñef buñ ko fekke ci garab go muy doga sax fofu rek di commencé mag ak yoy suñ ko bayyi won non namuy magge bu amé bu demone sax ba wara am dom mom mo ne buñ ko demone djel ko fofa ba mu nekké goné man ba muy doga mag ñu yobbu ko tek ko ci benen place diko arroser ko défar résultat bi du doon ben ci meññefi ñoy gëna mat ba paré ñoy gëna bëri ñoy gëna rafet lan motax mu ne li dukhul ngir dugg at tasrifa sopandiku fi ci garab ga ndax sopandiku giñ ci sopandiku loxo biko laal motax defar giñ ko defar waqad deug ya tabara bayina xel joxna importance ash-shar'u shari'a wujuda yon manam dajuk amuk at ta'lima jangale fil kalbi ci xet al muallam bañu jangal wa khallamu daganal ma la nga xamantene yaqtuluhu raynako bi khilafi wute nak nak ghayr al muallam xat ba nga xamantene jangaluñ ko sharia dafa jox importance dafa bayyi xel yar gogo non imaginal xat biñu jangal nu ñuy rebbé buñ ko waxé mu dem rebb ji bismillah mu dem rebb ji delu ci même bu rayé limu japp daga l'islam da nan dagan na ñu lek ko alors que xat bi nga xamné kenn jangaluko mo demal bopum rek dem ray indi sharia da nan dafa haram nga lek lool med la gis nga kon différence bi nek ci ki nga xamné dañ ko jangal yar ko ak kiñ ko defalul segam ci xat la awé importance loy xalat ci nit sëriñ bu né ci xat lay amé importance lan ngay xalat ci nit wa qala waxna as-sahrura di radiyallahu anhu aidan batay sami'tu degna kaseeran lo bari min al-mashayikh ci serigne yaquluna ñuy wax nan man kep ko xamne lam yara mus gisut mufli han ku texe la yuflihu du texe ko gis mu texe dafa fekk ne dafa andak ku texe ko gis mu texe souvent dafa fekk ne tamit dafa don andak ku texe di koko ko sank dang koy gis ci xalé yi bu ñuy fo ngay gis bu dé leader bi xol leen rek c'est souvent kon bi tay kon bi né kun bi bu ñu gis ni leader bi moy ki diriger boy yi bu dé koku par exemple mom mo leen gëna bëgg diiné gëna leen ci nekk day gis boy yëpp dañu nekk ci diiné ci kon bi mais bu dé boy bi bandi la da ngay waru ki moy leader bi ñëpp dañ koy top tam ci lool voilà qala waxna ba'd al-mashayikh len ci serigne man kep ko xamne lam yata abdab musuta yaru am teggin bi awamiri shuyukhi ci ndigalu serigne wa ta'dibihim ak seni teggini ak seni yar gi ni yarata fala yata adab koku du am yar mukk du am teggin bi kitabin ci sababu tere wala sunnati du tiagen sunna intahatul wahjum ko xamantene du teggino ci yar bi manam du defaru ci yar biko talibé biko serigne bi di yar ab serigne rek yar bu ko yar ak orientation yi mu koy top di dégg et cetera kokku téré alcorane bi ci bopam ak sunna sax mënuñu ko defal parce que nit da na défaru ci nit day défaru ci nit nako la ko rek qad yaslahul mar'u bil insani ma la yuslihu bil qur'ani wala wax di mel non nit di la defaru ci nit a travers benen morom nitam lo xamanteni munuko defaro ci al qur'an di and ak nit rek defaro ci anam go xamne bo nekkone yow kesse yak alcorane rek ñu boole len nga tor sub tire kesse do defar do defaro non wa qala waxna ash-sheikh sirin bu bax ba radiyallahu ta'ala abul abbas al-mursi rahimahu yalla yeerum ko allah bu yalla ta'ala ci kawdi wa kullu kep ko xamne man wa kullu man kep ko xamne lam yakun nekul lo ñal ko ustad moy ab sirin yusuluhu bu koy jokale bi silsilati ci cyallal ak al ittiba top wa yakshifu muy wunni la ho ñel ko an qillat an qalbihi ci xolam al qina' ak manam doylu fo wo gis nga koku fi hada sha'ni ci bilambir laqiyatun moy ko xamne kom kuñu for la rek la abalahu amul nday amul bay da ayun kuñu wowo lolu la rek la nasaba la ho ko xamne amul askan la nasaba det askan la ho diko ñeel manam ko xamantene amul serigne bu muy top bu koy orienté diko léralal diko jangal affaire yi diko xamal diko tarbiyé diko yar diko won bu naré tarxis et cetera koku diko xol yi xolam leer yi mu koy genn orienté koku nonu mokkuñu for parce que koku duko duggal ci ben silsila silsila moy ben cyallale ben chaîne bobu mom duko am ce qui fait que mom dara joxale wu ko réellement ak ci walu yenen ci walu diiné ji amul ci askan amul askan day mel comme si parce que comme li imam an-nawawi don wax rahimahullah mune reere sa askan ci diine mo gëna graw reere sa askan mi ci deret tay buñ né diw kuy sa baye mune xawmako de xawma sa papa koku kuy papa nga ni xawmumako xamoro graw mune me ñak ko xam ci diine mo gëna garaw gi nga señ xadi radiyallahu wayam bob mune bis niki tay juddu watna manam mo doy bayam kuy bayam mune alfahe ma yoro kuy bayam omarul futi kuy bayam muhammadul ghali kuy bayam cheikh na tijani Chérif, Chérif Salahuddin, radi Allah anhu, day wax ne man doomu Cheikh Tidiane la xamuluma sama bop benen askan do sama Chérif la ci nday ak ci bay xamna bu baax ay askanam diw di way bayam ci walu deret ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yef xamna mais lutax muy wax lool moy da askan bop mo upp doole askano gogo rek doyon na pour dug ci yoonu serigne ngeenal gi ci nek fa in lam yakun ndem nekul lo han manam fa lam yakun lahu bu amul nuron leer fal ghalib li not alayhi ci kawam ghalabatul hal moy notuk hal alayhi ci kawam manam moy li upp rek day nek jekki rek di halo rek jeexna wala xal upp ko doole budé lu bax upp ko doole mu jek jek lu bon upp ko doole mu nan ce plus fort que moi yex na wal ghalib li not alayhi ci ko wuqufuhu moy ak taxawam ma ama and ak li nga xamantene wara dala moy rat alayhi ci kawam moy li likoy dal li wacc ci mom rek lam tardaho lo xamne du ko geureum siyasatu ta'dibi manam siyasa moy politique ak ta'dibi nga xamne moy and ak ci yar ak yararat amna benen affaire bu am solo moy leg leg serigne dañ koy def moné serigne nak waxuma ki ñi wax serigne bi mais kiko don la wax buñu gisé ci talibé am ko xamantene dafa ñaké respecté serigne bi wala fonku ko wala yu mel non pour des raisons d'intérêt général ak politique serigne bi da koy écarté ci mbolo bi parce que da yakal ñi ci dess isolé quoi da koy isolé bu ko défé mom day jéki jéki rek ñom diiw di mom légui dootu fi ñëwati diiw di mom gëj na ci serigne bi giiw di mom légui abatu rapport ak serigne bi da ngay da serigne bi ko écarté wa mu génn waaw parce que lolu mom moy tax ñi ci dess mëna jariñ parce que sinon lolu lay transmettre ñi ci dess jikko bobu ndank ndam deng mëna walam yaqru te duko wo mat zimam tarbiyati zimam moy volant moy got fasé gis nga liñ koy ki ngalap gi wala voilà zimama tarbiyati wat moy bu ba mom tarbiya la les reines en fait voilà voilà ñu meñu xëccu voilà voilà pour muy mënd di téy diko ngalap diko voilà kon lool du ko man moy volant yi rek tay bu don ci auto volant lañ koy wala frein wa yi nga xamne ñom ñoy tarbiya duñ ko mëna def duñ ko mëna wo mat duñ ko mëna wo mat volant wu tarbiya du ko mëna wo mat nga xamne rek hein wa niko del jaar ni wa tadribi moy tamit yar rek mais petit à petit par orientation et cetera lolou du ko am mom ki nga xamantene amul serigne du mëna am yoy yeb mom dal comme bon lui semble lay def am mom lo wa mom dal day japp ne mom bopam fi ken gënu fi ken amul droit ci ay choixam mom yoy lay xalat ce qui fait que kenn duko mën won ben yoon ba mu jaar ci deug même bu ko bëggé bu bëggé ay conseil sax da ko rulam parce que ñi mi jappé conseil ñoko matul nga dafa am yo xamné serigne deug rek ko mën ci yoonu yalla dafa bari yo xamné serigne deug rek ko mën ku yegul fofu mënoko intaha kon fi layam yaaka na ni buntu bi leer na walillahi alhamdulillahi minna mune wallahu bur ya allah taala aji kaweji al muwaffiq mom moy aji deppele ji yalla ñu deppele bi man ni ci xew yulum ci xewalum kesse li sawabi ñeel yoon wujubi wa ilayhi ci jëm ci mom subhanahu tudna mak sa la ngam gatch nga lama mom al marji mom moy delu way wal maabuti mom moy weru way wallahu taala alam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala sahbihi ajma'in subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin